Les petites histoires de Telmi. Le voyage de Papy. Papy est parti. C'est papa qui me l'a dit. Il avait l'air super triste, mais moi j'étais trop content. Papy part tout le temps en voyage. Il me ramène toujours un souvenir et plein de super anecdotes. Je suis le premier à les écouter, car c'est comme si j'étais parti avec lui. Mon voyage préféré, c'est celui avec les pyramides d'Égypte. Pour que je me rende compte de leur taille, il m'avait ramené des miniatures et on avait fait une maquette. C'était vraiment chouette. Pendant ces voyages, papy nous envoie chaque jour des nouvelles, sur le téléphone de papa ou par carte postale. Quand papy part, je compte les jours dans un petit carnet qu'il m'a offert exprès pour ça. Et là, ça fait déjà un jour qu'il est parti. Papa n'a pas reçu de photos sur son téléphone. C'est bizarre. Pour lui, c'est normal. Papy est parti dans un endroit où on ne capte pas. Ça existe, ce genre de pays. En tout cas, je suis sûr qu'il va revenir avec des tonnes d'anecdotes pour me faire voyager. D'après mon carnet, ça fait 3 jours que papy est parti. Papa n'a toujours pas reçu de photos et moi, aucune carte postale. Ça commence à faire beaucoup. Du coup, j'ai décidé d'aller en parler à papa avec mon carnet. Il avait le nez dans son téléphone. « Regarde, ça fait 3 jours que papy est parti et qu'on n'a pas de nouvelles. Moi, je m'inquiète. T'es pas inquiet, toi ?» Il n'a même pas levé le nez de son téléphone pour me répondre. « Je t'ai dit qu'il n'y a pas de réseau là où il est. On pourrait appeler son hôtel, non ?» Papa m'a regardé, il avait les yeux tout rouges et des grosses poches noires en dessous. « Ton papy ne reviendra pas de ce voyage. »« Quoi ? Mais papy, il revient toujours ?»« Pas cette fois, mon lapin. Écoute. » J'étais tellement en colère que j'ai foncé m'enfermer dans ma chambre. Pourquoi papy ne voulait pas revenir ? Il ne voulait plus nous voir ? Il ne nous aimait plus ? Il fallait que je sache. Sans hésiter, j'ai sorti le sac à dos que papy m'avait offert. J'y ai mis ma tirelire, une lampe de poche, des affaires de rechange et ma gourde. J'ai aussi pris une photo de lui que j'ai glissée dans mon carnet pour faire mes recherches. Et puis je suis sorti discrètement par la fenêtre. Direction la gare. Le meilleur endroit pour commencer mon enquête, c'est toujours de là que papy part. Arrivé à la gare, j'ai sorti la photo de papy et j'ai demandé à tout le monde. Personne ne l'avait vu. Ni la dame des journaux, ni le monsieur qui siffle quand un train part, ni les gens qui attendent le train. J'ai terminé mon tour par le vieux monsieur à casquette qui vend des billets. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas vu, mais qu'il allait se renseigner. Il m'a amené dans un petit bureau pour me faire patienter. J'ai sorti mon carnet, la photo de papy est tombée. En la ramassant, j'ai senti une boule dans ma gorge. Et si je n'arrivais jamais à le retrouver ? Pendant que je faisais la liste des endroits où chercher papy, papa est rentré dans le bureau. Ça m'a fait sursauter. Il avait l'air très en colère, mais il m'a serré très fort dans ses bras. J'ai senti des gouttes tomber sur mes épaules. Papa sanglotait. Je comprenais pas très bien ce qui se passait, mais voir papa pleurer, ça m'a fait pleurer moi aussi. Puis on est rentré à la maison, en silence. On s'est assis dans le salon. Il n'y avait tellement pas de bruit que j'entendais mon cœur battre à 1000 à l'heure. Papa m'a pris les mains et a plongé ses yeux tout rouges dans les miens. « Écoute, mon lapin, papy est parti, mais pas en voyage. Papy est mort. Et c'est pour ça qu'il ne pourra pas revenir. » Mon cœur s'est serré si fort qu'il s'est arrêté. Comme s'il avait compris, papa a pointé son index dessus. Il s'est remis à battre et j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. « Tu sais, s'il n'est plus avec nous, il sera toujours là. Et ce sera important de s'en souvenir. »« Mais je veux le voir, moi. » »« On pourra le voir une dernière fois demain. Papy va être enterré au cimetière. » Tout le monde sera là pour lui rendre un dernier hommage. Ce soir-là, on a dormi ensemble avec papa. J'ai pensé à papy toute la nuit, surtout à son rire, pour ne jamais l'oublier. Le lendemain, on a pris la voiture pour aller à l'enterrement de papy. Le cimetière était plein de pierres froides et grises. Tout le monde était habillé en noir. Ça m'a donné encore plus le cafard. Mais quand on est arrivé devant la tombe de papy, j'ai vu une grande photo de lui qui souriait. Alors j'ai un peu mieux aimé. Quand la cérémonie s'est terminée, on est resté un moment seul avec papa. Tu veux lui dire un dernier mot ? Je crois oui. Alors je te laisse. Papy ? C'est moi. Je suis très triste que tu sois plus là, mais je voulais te dire quelque chose. Comme tu m'as toujours fait voyager avec tes histoires, et que maintenant tu peux plus voyager, c'est moi qui vais le faire. Je viendrai toujours te raconter mes voyages. Comme ça, on aura encore plein de moments à partager, et je t'entendrai toujours rire. Tu vas me manquer, papy. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Cécile Rubin et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast.